10. Le camping ne présentait nul signe d'activité. À cette heure matinale, personne n'aurait eu la sotte idée de se lever. D'ailleurs, la plupart de ceux qui vivaient là n'avaient aucune contrainte horaire à respecter. Je me suis glissée dans l'entrebâillement de la porte grillagée qui protégeait les campeurs de la gourmandise des coyotes appâtés par le contenu des poubelles. Au sommet de la tente des quatre zozos, le fanion ridicule de leur club pendait mollement, faute de vent. Lorsque j'ai baissé la tête pour me glisser sous le chapiteau, je me suis figée, alertée par une odeur identifiable entre toutes, celle du sang. Un pas de plus a suffi à confirmer mes pires craintes. Ils étaient morts, tous les quatre. On les avait poignardés dans leur sommeil et les sacs de couchage avaient bu les hémorragies jusqu'à prendre l'aspect d'énormes cocons rouges. Plusieurs bataillons de mouches étaient déjà au travail, pompant avec ardeur les cailloux figés. J'ai reculé en titubant. Le camp était toujours désert. Sans perdre de temps, j'ai boité jusqu'au bungalow de Finchkolder de l'autre côté de la route. J'ai dû tambouriner une minute avant qu'il ne daigne ouvrir. Vivante image de la gueule de bois. « Merde » a-t-il grogné. « Qu'est-ce que vous venez foutre ici à cette heure ?» J'ai été épatée par la vitesse à laquelle il a dessoulé lorsque j'ai exposé la raison de ma visite. Très réactif, il s'est passé la tête sous le robinet avant de déclarer « Vous n'avez prévenu personne, j'espère. Surtout pas les flics. » « Non, je suis venu directement. »« C'est bien, je me charge de tout. On va essayer de régler ça discrètement. » J'ai cru un instant qu'il allait me proposer de lui donner un coup de main pour ensevelir les corps dans le désert. Mais au lieu de ça, il a ouvert un tiroir pour s'emparer d'un téléphone satellite militaire, le genre de matériel qui vous permet d'appeler n'importe qui de n'importe où. Et cela même si vous dérivez sur un iceberg quelque part en mer de Béring. J'ai tiqué. Ce n'était pas le genre de matos à la portée d'un retraité de la police locale. L'engin collé à l'oreille, il est sorti sur la véranda pour marmonner en langage codé. Quand il est revenu, il affichait une expression soucieuse. « C'est signé Sawana » a-t-il grogné. « Je me doutais que ça finirait par arriver. » Ces petits cons fouinaient un peu trop, elle n'a pas apprécié. C'est la raison pour laquelle je vous ai déconseillé de vous afficher en leur compagnie. Venez, on va au camping. Des amis à moi vont nettoyer ce merdier. Ils seront là dans une vingtaine de minutes. J'ai obéi. Que pouvais-je faire d'autre? Nous avons regagné le camp en silence. Finch marchait devant d'un pas rapide. Toute son attitude s'était transformée. Elle n'avait plus rien en commun avec l'image du retraité bedonnant qu'il s'était forcé de donner jusqu'à présent. Je me suis même demandé si, lorsque j'avais frappé à sa porte, il n'avait pas tout bonnement joué la comédie de la gueule de bois. Nous nous sommes immobilisés devant l'entrée du camp. Finch, la tête levée, scrutait le ciel. Et puis, tout à coup, j'ai entendu un vlouf-vlouf caractéristique. Et un gros hélicoptère noir est sorti des nuages, sans aucune immatriculation. Il a manœuvré pour se poser au milieu du terrain vague attenant. Deux types vêtus de combinaisons plastifiées de nettoyeurs en sont descendus. Finch leur a indiqué la tente aux fanions. Ils ont échangé trois mots, pas davantage, en habitués de ce genre de problème. J'ai vu que les mecs portaient des housses à cadavres. Le bruit de l'hélicoptère avait réveillé les campeurs qui, maugréant, commençaient à émerger des abris de toile. « Eh, mec !» a lancé un barbu squelettique et à moitié nu. « C'est quoi ce cirque ? Putain, on voudrait dormir en paix !» Finch s'est interposé, lui barrant le passage. « Quatre connards ont claqué d'overdose », a-t-il annoncé en brandissant sa plaque de police. « Retourne te coucher et fais gaffe à la dope que tu t'enfiles si tu ne veux pas finir comme eux. » Les nettoyeurs se sont montrés d'une remarquable efficacité. En moins de 15 minutes, les body bags étaient chargés dans l'hélico, la tente démontée, le sable ratissé. C'était comme si les fils de la hyène n'avaient jamais existé. Je n'ai pu m'empêcher de penser qu'on les avait assassinés pour les punir d'avoir voulu violer la sépulture de Savannah Warlock. La malédiction des pharaons s'était abattue sur eux. Le souffle de l'hélicoptère qui décollait m'a presque fait perdre l'équilibre. Bon, a soupiré Finch en me dévisageant. À présent, il s'agit d'être prudent. Savannah vous a dans le collimateur. Au moindre faux pas, vous subirez le même sort. Elle est nulle part, elle est partout. Difficile de se protéger contre un fantôme. Cela sonnait comme un dialogue de bande dessinée, mais je n'ai pas réussi à sourire. J'avais peur. Sans un mot, j'ai tourné les talons et entrepris de marcher en direction du manoir. Je n'avais absolument aucune idée de la conduite à tenir. Gary et Benjamin Lofson m'attendaient devant la grille, le visage soucieux. Le Humvee était garé sur le bas-côté, là où Ben avait freiné lorsqu'avait surgi l'hélicoptère. Gary n'a pas bougé d'un pouce, mais Lofson est venu à ma rencontre. « Bordel » a-t-il lancé. « Qu'est-ce qui est arrivé ? C'est quoi cet hélico sans immatriculation ? Les Martiens de la zone 51 ?» En trois phrases, je lui ai expliqué de quoi il retournait. Il est devenu blême. « C'est un coup de Savannah ? » a-t-il balbutié. « Elle a massacré ses gosses ?»« Possible, » ai-je soupiré. À Palan, nous sommes revenus vers la grille d'entrée. « Le plus sage serait peut-être de ficher le camp, » a suggéré Benjamin. « Oh, diable, cette foutue baraque !»« C'est trop tard, » a lancé Gary, qui se tenait planté sur le seuil façon sentinelle. « Si c'est bien Savannah qui mène la danse, elle ne vous lâchera plus. Et si vous renoncez à remettre le musée en état, elle vous le fera payer cher. Très cher. » Le soleil tapait déjà et je me sentais dans un sale état. Je n'avais qu'une envie, courir sous la douche pour essayer de décaper la croûte de sel qui me recouvrait. Alors que nous entrions dans le salon, Ben Lofson a tiré une grosse enveloppe jaune de la sacoche qu'il portait en bandoulière. « Tenez, a-t-il dit, c'est pour vous. Quelqu'un l'a déposée à la réception de mon hôtel, à Palm Springs. On me l'a remise ce matin alors que je réglais ma note. » J'ai saisi le paquet qui était épais et de la taille d'un livre de poche. Sur l'enveloppe, on avait écrit mon nom. « C'est bizarre, » ai-je murmuré. « Pourquoi votre hôtel ? Et qui l'a déposé ?» La réceptionniste a parlé d'une femme, lunettes noires, cheveux gris, la soixantaine, bien habillée. Prise d'un mauvais pressentiment, j'ai déchiré l'enveloppe, mettant à jour un carnet noir, épais, usagé, sur la couverture duquel on avait collé une étiquette « Anne Katz, confession d'outre-tombe ».